ce sein, de laisser mes mains aller sur ton corps endormi, soumis au sommeil à mes louches envies. Mais tu dors si bien, tu rêves si fort, qu'alors je sors le chien, vais prendre l'air dehors. Somnambule, je déambule, funambule sur le fil de l'insomnie. Et rien n'y fait, ni somnifère, ni te faire l'amour. La nuit gère en attendant le jour. Insomnie. La nuit je veille quand la vie sommeille. Et si le soleil m'épuise, la lune attise, la muse éprise du style et des mots. Prends mon oreille pour glisser au cerveau sa prose sans pareil qu'elle me laisse éveler au stylo. De mon insomnie fait son nid de sons, de syllabes, de poésie, de ballades à déclamer par ma voix de décalé, d'arasser le jour pour mieux m'aimer la nuit. Rien n'y fait, ni somnifère, ni te faire l'amour, la nuit gère en attendant le jour. Le prix à payer de prisonnier de la nuit, c'est l'air de mes congénères qui me déconsidère. C'est vrai que tous les jours, quand pas frais, tu cours la tête à l'envers. On se demande dans la vie ce que tu peux bien faire pour paraître aussi frais qu'un cadavre qu'on déterre. J'en suis ici là, parfois que j'en suis à deux doigts, de tendre les bras et supplier Morphée. Mais le marchand de sable ne veut pas passer. Ce salaud préfère se taper la voisine d'à côté et me laisser tout seul en plan devant ma télé. Somnambule, je déambule, funambule sur le fil de l'insomnie. Et rien n'y fait, ni somnifère, ni te faire l'amour. La nuit gère en attendant le jour. Insomnie, insomnie. Quand tous les autres se couchent, s'éveille en moi le goût de ta bouche. L'envie me vient, alléchée par ce sein, de laisser mes mains aller sur ton corps endormi, soumis au sommeil à mes louches envies. L'envie me vient, alléchée par ce sein, de laisser mes mains, même si tu dors bien, éveiller ton corps pour en faire un festin. Insomnie, insomnie.